Yo, une fille c'est comme un trésor. Si t'as pas besoin d'une map pour l'avoir, c'est pas de l'or. Moi j'aime les trésors enfouis sous la mer qui attendent d'être réouverts. J'aime les filles qu'on voit pas, marque pas, remarque pas. Les filles discrètes, secrètes qui jouent pas à vedette. Cute, pas trouble la fête, qui ont parfois la bête. Parfois à l'air coquette, c'est qui ont de la tête. Agissent jamais bête. Aime les fraises, la baisse, maigre ou obèse, grande ou petite. J'aime les femmes, that's it. Mais prends pas panique, si t'es pas magique, unique, excentrique, avec une peau en plastique. Casey Adaman, no beat, un gars de public, y'a besoin d'une fille simple, humble. Avec des défauts, des qualités pour que ça clique, pour que j'applique. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. Écoute, ça sert à rien de chercher le bonheur dans une belle fille. Le bonheur c'est dans ton cœur. Peu importe la couleur, la grosseur. Parce que les belles filles sont pas belles forever. Mais les bonnes filles sont bonnes forever. Yo, une fille c'est comme un partner. Forever, together. Peu importe le weather. Ok, ok. Je peux pas déceler belles femmes. Y'en a qui valent la peine. Mais d'autres qui causent la peine. Mais c'est partout pareil. Les belles, les laides, rousses, noires, brunes, châtaines, billes, hétérosexuelles. Peuvent tous te faire de la peine. C'est à toi de trouver avec laquelle tu vas avoir le moins de séquelles. D'étincelles, le feu d'artifice, fils. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. Puis je connais des fainéants qui veulent d'argent, du matériel, un appartement, de la bouffe. Et plus encore, veulent que la blonde travaille pendant qu'ils chillent chaud. Sors le soir, rentre tard, des bars, pogne d'autres filles. Autrement dit, ils veulent une fille qui la sert à béquille. Fille, chill, slick, tomber comme une roche. Ton chum, c'est une bioche. Viens voir, tout ce que je demande, c'est que tu sois propre, tu sens bon. Je veux pas ton cash, j'ai les miens. Je veux pas d'un appart, j'ai une maison. Ok, c'est vrai que je veux sauter comme une clôture, te clouer comme un clou, visser comme une vis. J'ai le vis dans la peau, je t'en ai une faux. Quoi, pas, pas, on est majeur, pourquoi pas, tu veux pas. Ok, fais tous en pas, je te violerai pas, tu pulls d'ici à là-bas. Pis ma queue, rentre pas dans ta poubelle, même si elle est belle. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor.